La queue de ma chatte. Conte fantastique. Écorné igrou van cantanda, lor laï, facendo inaco di selanga rica, cosi video venir trascendo guai, ombre portate dalia d'eta briga. Dante. Et comme les grues qui font dans l'air de longues files vont chantant leurs plaintes, ainsi je vis venir, traînant des gémissements, les ombres emportées par des tempêtes. C'était un soir d'hiver, après un de ces fameux coups de griffe que vous savez. L'impatience m'avait gagné, je jurais de me venger. Rêver une vengeance et l'exécuter fut pour moi l'affaire d'un instant. Précisément, Thomas, le fils d'un de nos fermiers, garçon simple et niais s'il en fut, de plus, filleul de ma grand-tante, était venu passer les fêtes de la Noël chez elle. Je jetai les yeux sur lui pour exécuter mon dessein. Ce soir-là, il faut que vous sachiez que ma grand-tante était allée au spectacle et que deux de mes amis m'avaient promis de venir me tenir compagnie. En les attendant, j'appelai Thomas et le chargeai d'aller racheter un poids de 20 livres. À son retour, lui montrant Minette, que j'avais laissé dormir tout à son aise, je lui ordonnai d'attacher à la queue de ma chatte ce poids de 20 livres. À cet effet, je lui présentai 2 aunes de ruban. Ce que Thomas fit très adroitement, je vous assure. Après, je lui dis, « Thomas, veux-tu gagner 1 louis d'or ?»« Morgaine, mamselle, comme si ça se demandait !»« Eh bien, en voici 1. »« Mais tu vas faire exactement, très exactement, ce que je vais te commander, Thomas. »« Que oui, mamselle, n'ayez crainte !»« Jure-le sur ton âme, Thomas. »« Je le jure sur mon âme, mamselle. » »« Songe, mon garçon, que tu as juré sur ton âme. »« Maintenant, écoute. » Prends Minette sous ton bras. Là, bien. Puis, tâche de sortir de la maison sans que personne te voie. Tu connais la rue Saint-Georges et la rue Chantraine. Au coin de cette rue, on trouve un égout. Ici, Thomas, qui avait ouvert de grands yeux, une grande bouche, et dont l'air était devenu encore plus hébété si possible est, quand je lui avais fait faire le serment sur son âme, commença à se rassurer. Même à sourire. « Tu jetteras cette chatte dans l'égout, » ajoutai-je à voix basse. « Compris, mamselle. Va vite, reviens de même, et ce beau louis d'or est à toi. » Thomas était parti que je n'avais pas achevé. Il faisait le plus mauvais temps du monde, sombre, froid, pluvieux. Le vent sifflait avec furie, le pavé glissait, et les réverbères, agités par l'ouragan, projetait çà et là des ombres fantastiques. Puis Minette, qui sentait à sa queue un poids inaccoutumé, Minette si bien soignée, si douilletée, si mignardée, Minette que ma grand-tante n'exposait jamais à l'humidité de la nuit, Minette miaulait d'un miaulement si triste que mon Thomas commença à trembler. « Maudite bête, » dit-il, s'arrêtant un moment, indécis. Mais le louis d'or en espérance ranima son courage, si tant est que Thomas eut du courage. Plus Thomas approchait du but de sa course, plus les miaulements de Minette augmentaient. On dit même que, selon sa louable habitude, Griffe allait leur train, attrapant chaque fois soit un nez, soit une oreille, voire même un bout de cravate qu'elle déchirait bel et bien, et Thomas tremblait encore plus fort. Toutefois, poursuivant son chemin, il atteignit enfin l'égout désigné. Alors Minette, qui s'était tue un instant pour griffer plus à son aise, se remit à miauler d'une façon qui parut à Thomas fort singulière. Elle se débattait avec des contorsions qui n'étaient rien moins qu'étranges. Des éclairs jaillissaient de ses yeux gris. Tantôt, elle avait l'air de prier. L'instant d'après, on aurait dit qu'elle menaçait. Puis son cri devenait plaintif. Il semblait qu'elle pleurait. Arrêté debout, au milieu de la rue Saint-Georges, en face de l'égout, Thomas frissonnait par tout le corps. Ses dents claquaient. Il tenait toujours Minette sous son bras et la serrait à l'étouffer. Toutefois, il ne pouvait se résoudre à mettre fin à cette aventure. La rue était solitaire, aucune lumière ne brillait aux fenêtres, et l'intensité du vent allait toujours croissant. De plus, il tombait une pluie froide qui glaçait les membres de Thomas et le pénétrait jusqu'à la moelle des os. Jamais de sa vie il n'avait vu pareille nuit. Il eut un instant l'idée de s'en retourner avec Minette. Heureusement, ou malheureusement, c'est à vous de juger, le louis d'or se retraça une seconde fois à sa mémoire. Il prit son parti. Bravement, le pauvre garçon recommanda son âme à Dieu, son âme qu'il avait engagée si légèrement à la nièce de sa marraine, et qu'il promit bien, sur son âme encore, de ne plus engager. Puis il ferma les yeux, il détourna la tête, et prenant Minette à deux mains, il la lança de toutes ses forces à travers les barres de fer qui garnissent l'égout. Puis, tout épouvanté de cette action, il se mit à fuir comme un beau diable. Or donc, le voilà qui court, fallait voir, et qui aurait donné bonne chose, le poltron, pour se trouver rendu au coin du feu de la cuisine de ma grand-tante. Mais il n'était pas au bout de ses peines, comme vous allez l'apprendre. La nuit était devenue encore plus noire. Le vent soufflait avec plus de rage. La terre tremblait sous ses pieds. Dans le tumulte des éléments, on entendait des voix étranges qui murmuraient des mots bizarres et inconnus. Et bien que Minette fût loin, bien qu'elle dût être morte, à l'heure qu'il est, la laide bête, Thomas croyait toujours l'entendre comme si elle eût été sous son bras. Et le malheureux courait toujours à perdre haleine. Mais tout à coup, oh mon Dieu, ayez pitié de lui! Imaginez-vous qu'il entend distinctement, presque sur ses talons, un bruit qui le glace d'effroi. C'est comme la marche lourde, pesante, d'une grosse bête, dont quatre pieds de bois ou de fer frappent le pavé à mesures égales. Alors le malheureux, ses jambes ploient sous lui, ses pieds se clouent à la terre et ne peuvent plus avancer. La sueur se mêle sur son front à la pluie qui lui bat le visage. Ses cheveux se dressent sous son chapeau. Ses regards effarés se tournent de côté et d'autre. Il ne distingue rien, et chose inconcevable, il ne reconnaît plus son chemin. Ce n'est plus Paris, ses rues larges, alignées, ses hautes maisons. C'est la campagne. Des pierres blanches dans la nuit sont éparses çà et là. Elles dansent en se choquant. Elle pousse des gémissements qui n'ont rien d'humain et des rires de l'autre monde. Faisant un effort pénible, Thomas s'arrache pour ainsi dire de la place où il avait pris racine et se met à fuir en sens inverse. Quelques lumières d'une couleur blafarde brillent de distance en distance, mais elles vacillent, elles tournoient, leur pâle clarté perce à peine l'obscurité profonde. Thomas se dirige de leur côté, autre épouvante! Une grande ombre brune semble surgir de dessous terre. Elle s'allonge, elle devient compacte, prend une forme, se couvre d'une couleur sanglante, et ce bruit effrayant de quatre pieds de bois ou de fer qui battait le pavé, ce bruit qui s'était apaisé depuis un moment, recommence de plus belle et plus fort que jamais. Ce fantôme, car que voulez-vous que ce soit si ce n'est pas un fantôme? Ce fantôme, dis-je, vient à Thomas. Il s'adosse à une grande maison, et la lueur d'un réverbère venant à frapper contre, le malheureux garçon de ferme croit toucher à son dernier moment. C'était horrible à voir, ce fantôme, grand, gros, rougeâtre. On aurait dit du sang qui découlait de ses vêtements. Thomas n'osait le regarder. Il aurait voulu crier, appeler, il ne pouvait. Sa langue était glacée. Alors, le pauvre jeune homme leva les yeux au ciel. Il ne lui demandait rien moins que de se trouver rendu devant la maison de sa marraine, de cette maison hospitalière, de tout maléfice. Puis il promit, et cela du fond de son cœur, je vous assure, de ne plus suivre en rien les ordres de la jeune demoiselle, de ne plus jurer sur son âme, et surtout de ne plus aller jeter ni chat ni chatte dans les égouts. Bientôt, il veut savoir si son vœu est exaucé. Il risque un œil. Surprise étrange, la maison de sa marraine est là, devant lui. Mais, ô douleur, l'ombre rouge, ou le fantôme, ou le diable, ou tout ce qu'il vous plaira de l'appeler, est toujours dressée de toute sa hauteur entre lui et la maison, juste contre la porte cochère. Impossible à Thomas de passer outre. Le voilà donc face à face avec le fantôme. Que fera-t-il? Avancera-t-il? Reculera-t-il? Ma foi, l'immobilité de son ennemi l'encourage, la voix lui revient. « Hors d'ici, Satan, Lucifer, notre Père qui êtes aux cieux, ayez pitié de moi, pauvre pécheur que je suis !» Un éclat de rire l'interrompt. Le rire cesse, et Thomas reprend avec plus de force. « Éloigne-toi, Satan maudit! Jésus qui siégez à la droite de Dieu !» Ici, les éclats de rire recommencent, et cette fois, ils ont quelque chose de satanique. Mais Thomas, le bon et simple Thomas, qui a réussi à saisir dans la poche de sa veste un chapelet béni que le curé lui a donné au Pâques dernière, Thomas se sent le courage d'un lion. Serrant son chapelet, tournant les grains dans sa grosse main, Thomas récite vite et à haute voix. « Sainte Vierge, Mère de Dieu, priez pour moi. Saint Thomas, mon patron !» Puis, la tête basse, s'avançant hardiment vers la maison, il lève le bras pour chercher le marteau et frapper. Horreur, mille fois horreur ! Sa main a rencontré quelque chose de doux, de velu, de poileux. C'est la peau d'un chat, mais d'un chat pour le moins aussi grand qu'une maison. Ce ne peut être que Minette, Minette, que son voyage dans l'égout aura fait grandir d'une si terrible manière. Et plus mort que vif, Thomas murmura « Pardon, grâce, pitié, Minette !» Alors il vit Minette ouvrir une large bouche noire. « Large, assura-t-il plus tard, comme les deux battants d'une porte cochère. Il voulut se retenir, impossible. Une force irrésistible l'entraîna dans cette large bouche noire et l'y engloutit. Puis, il ne se souvint plus de rien, si ce n'est d'un fort coup de massue qu'on lui asséna sur la tête. Le feu sortit en étoiles de tous côtés, et ce fut tout.